Elenza, je t'ai déçu. Triste et déçu, se rassemblèrent pour trouver de la joie dans leur peine. Ils se répondaient dans le bruissement de leurs ailes et le battement de leur cœur. Ils cessèrent d'errer et dans leur reconnaissance survint l'espérance. Ils cessèrent d'errer et dans leur reconnaissance survint l'espérance.